Ézéchiel chapitre 42. Après cela il me fit sortir vers le parvis de dehors, par le chemin tirant vers le septentrion, et il me fit entrer vers les chambres qui étaient le long de la séparation, et qui étaient le long du bâtiment vers le septentrion. Vis-à-vis de la longueur de 100 coudées, il y avait une ouverture vers le septentrion, et la largeur était de 50 coudées. Le long de 20 coudées qui étaient du parvis intérieur, et le long du perron qui était du parvis de dehors, il y avait des chambres vis-à-vis des autres chambres, à 3 étages. Et au devant de ces chambres il y avait un promenoir, large de 10 coudées en dedans, vers lequel il y avait un chemin d'une coudée, et leurs ouvertures étaient vers le septentrion. Or les chambres de dessus étaient rétrécies, car les chambres basses et les moyennes, desquelles était composé ce bâtiment, s'avançaient plus que celles-là. Car elles étaient à 3 étages, et n'avaient point de colonnes, telles que sont les colonnes des parvis, et pour cela il avait été réservé quelque chose des chambres basses, et des moyennes dès le sol du premier étage. Et le parquet qui était au dehors vis-à-vis des chambres, et qui avait un chemin tirant vers le parvis de dehors, vis-à-vis des chambres, avait 50 coudées de long. Car la longueur des chambres qu'avait le parvis de dehors, était de 50 coudées, et voici, il y avait 100 coudées dans ce qui était vis-à-vis du temple. Or, au-dessous des chambres qui étaient dans ce parvis, était l'endroit par lequel il était entré du côté d'Orient, quand il était venu là du parvis extérieur. Il y avait dans la largeur le parquet du parvis vers les chemins qui se rendaient en Orient, et des chambres vis-à-vis de la séparation, et vis-à-vis du bâtiment. Et il y avait des chemins au-devant d'elles, à la façon des chambres qui étaient vers le chemin du septentrion, et elles avaient une même longueur et une même largeur, et toutes les mêmes sorties, selon leur disposition, et selon leurs ouvertures. Même les ouvertures des chambres, qui étaient vers le chemin du midi, étaient comme les ouvertures de ces chambres-là, tellement que l'ouverture était là où commençait le chemin, et le chemin se rendait vis-à-vis du parquet tout accommodé, savoir, le chemin qui venait du parvis d'Orient pour aller vers les chambres. Après cela il me dit, les chambres du parvis du septentrion, et les chambres du parvis du midi, qui sont le long des séparations, étant les chambres du lieu saint, sont celles où les sacrificateurs qui approchent de l'Éternel, mangeront les choses très saintes. Ils poseront donc là les choses très saintes, savoir, les gâteaux, les oblations pour le péché, et les oblations pour le délit, car ce lieu est saint. Quand les sacrificateurs y seront entrés, ils ne sortiront point du lieu saint pour venir au parvis extérieur, qu'ils n'aient posé là leurs habits avec lesquels ils font le service, car ils sont saints, et qu'ils n'aient revêtu d'autres vêtements, alors ils s'approcheront du parvis du peuple. Après qu'il eut achevé les mesures de la maison intérieure, il me fit sortir par le chemin de la porte qui regardait le chemin de l'Orient, puis il mesura l'enclos qui était tout alentour. Il mesura donc le côté d'Orient avec la canne à mesurer, et il y eut tout le long 500 cannes, de la canne à mesurer. Ensuite il mesura le côté du septentrion, qui eut tout le long 500 cannes, de la canne à mesurer. Puis il mesura le côté du midi, qui eut 500 cannes, de la canne à mesurer. Après il fit le tour du côté de l'Occident, et le mesura, et il y eut 500 cannes, de la canne à mesurer. Il mesura donc cet enclos à ses quatre côtés, dans lesquels il y avait une muraille tout alentour, et cette muraille avait à l'endroit de la longueur 500 cannes, et à l'endroit de la largeur 500 cannes, et elle servait à séparer le lieu saint avec le lieu profane.